Le comité préparatoire birman consacré au 75e anniversaire de naissance de Son Excellence Kim Jong-il a été constitué le 18 courant au siège du comité du Parti pour la solidarité et le développement de l'Union pour Yangon. On y a publié le communiqué sur la célébration solennelle de la journée de la brillante étoile comme la fête commune du peuple coréen et des autres peuples progressistes du monde. Le communiqué a publié le plan d'activité du comité préparatoire qui doit organiser diverses cérémonies politiques et culturelles à l'occasion significative coréenne et appelé le peuple birman et les progressistes du monde à exprimer soutien et solidarité absolue au peuple coréen en lutte pour une puissance socialiste et la réunification du pays sous le dirigeant suprême Kim Jong-un.